destinée commune à ses meurtriers. Presque aucun de ces meurtriers ne lui survécut plus de 3 ans, et ne mourut de mort naturelle. Condamnés tous, ils périrent tous, chacun d'une manière différente, ceux-ci dans des naufrages, ceux-là dans les combats. Il y en eut même qui se percèrent du même poignard dont ils avaient frappé César. Fin de la vie de César.